donne. Et tu vois là qui va s'embraser, camarade, bientôt. Ses camarades, bientôt, bientôt, on pourra s'embrasser, camarades, bientôt, bientôt, tu sens, ça va s'embraser, camarades, je le sens s'embraser, camarades, à qui même les rois, joli-moi, joli-mi-moi de mai. Ils seront barrés de la route quand ils nous auront abandonnés à notre sort, quand ils nous auront laissé crever au sud, quand il n'y aura plus d'eau et qu'il n'y aura plus de milliardaires non plus ici. Pourtant, on sera toujours présent à résister mauvaises graines, jamais prêt à lâcher mauvaises graines. On est prêt à faire peser 45 familles en France dans le monde sans sang. voir les gens lever les yeux de leur écran et voir les gens lever les yeux de l'air. Ta fumante, l'écran de fumée. Indigent. Adouber tous ceux qui ne sont, qui n'ont pas su être. Tous ceux dont on dénie l'existence, alors qu'ils sont là. Tous ceux à qui on refuse le droit de penser. We are born to make noise. Qui ont reçu la sensibilité, car voir souffrir ses proches n'est pas une raison suffisante, non de dire. Qui veulent nous convaincre que nous sommes impuissants pourtant. Thank you. It's much more brighter when you share, when you share with love. horde contre la Pâque. Nous avons besoin d'être en formation contre le vent, contre les vents mauvais, tordus qui prennent de côté. Serré contre le vent, contre les vents, contre le vent. Je tire les bords, monte ton micro. Arriverai-je à m'amarrer contre le vent? Contre le vent, besoin d'être bien équipé, bien entouré. Contre les vents, contre les déterministes, contre les obligations. Proposition. C'était pas con. Continue. De vivre nos vies comme dorées. Les brumes informes du matin se réveillent

amoureux. Thank you. Bienvenue idolâtre quand elle veut. Ce genre. Près de l'âtre. Près du feu, il s'échauffe. Comble les ombres. Pour le thé, comble les ombres. Près de l'âtre. Enfin divisé, se déforme, parvenue, vaincu, tu n'es pas con. Amorce, de là, peut venir pour le thé. Parfait. Surtout si tu t'es. Au pied du volcan, nous sommes. Nous dansons. Of good, of a evil. Of a evil. Of a evil. Si le les étoiles, évidemment. Of good, of evil. Trop dommage de se tromper de nom, de se tromper d'hommage. Over good, over evil. La victoire. Over evil. Que les noms ne nous séparent pas plus. C'est leur jeu. Que les noms ne nous séparent. Of good, devant l'évidence de la catastrophe. Toujours pareil. Oui, on danse. Oui, on danse. Real life. Devant l'évidence. Et devant cette catastrophe aussi. Et devant cette. Peut-être que la pression de la catastrophe. Qu'un jour la diversion insoutenable. Dans la diversion insoutenable. Il n'est plus temps d'attendre. Réfléchir le présent. Coopérer. You're not stressed. Il y en a des enfants. Est-ce vraiment dément? Est-ce véritable dément? Si tu as sommeil, si tu dois te rassurer. Agrandir sera. Puisqu'il s'organise sans nous, on ne restera pas les barras ballants, baladant dans l'horizon une à te casser. everything is in the right place. Everything is in the right. Everything.